marche d'ici. Je suis imposé comme un missile. Rajoute ma bouteille à la mer, mon noyé tel un mystère. J'ai le mal de vivre, je suis pas qu'à mon domicile. Je veux pas commettre un meurtre, alors je vais pas parler d'homicide. Au style face aux jaloux, au mic je ramène mon style. Un stylo dans la poche pour si mes pensées m'obstinent. Une masse à un stick, du son dans les baffes. À ceux qui font la même, je ramène du son pour les braves. Je débarque mes phrases, c'est une agression verbale. Tu peux tirer sur ma zic, elle porte un gilet pare-balles. Mes récits tournent, venez pas chialer sur mon sort. Vous m'avez commis des torts et vouliez pas que je m'en sorte. Pendant que mon équipe écoute, je fous des frissons en chantant. Je veux faire lever les bras, c'est pour celui qui l'entend. On veut faire du son qui pète, pas du son pour les putes. Du son qui porte une arme comme dans le froc de nos potes. Du son qui retentit entre les murs de la Tessie. Crier sur tous les toits pour changer ce mode de vie. Moi les rues de Paris, elle m'inspire la vie d'artiste. Du 4-9 ou 7-5, j'ai connu trop de gens tristes. On vit du bien ou de peine, on a tous l'amour d'un être. Une flèche dans le cœur et la rancœur sur une lettre. L'erreur est humaine, faut pardonner quand on aime. La plupart de nous-mêmes ont dans leur tête un problème. Condoléances à ceux qui ont perdu des proches. C'est vrai que l'amour ne se compte pas comme la monnaie de nos poches. On va tous partir un jour, moi je prends la porte. Je persévère encore après chaque seconde morte. Dis-moi ce que tu possèdes, si le mérite revient. Voici encore un son qui n'aura pas de refrain. C'est pour tous mes refrains, ceux qui traînent dehors. Ils savent que mettre des coups de couteau et tirer rend pas plus fort. J'ai souvent eu mal au crâne, ce depuis môme. J'ai vécu beaucoup de drames à l'origine des symptômes. Je retiens mon souffle pour pas éteindre la bougie, celle qui éclaire ma vie, qui me retient de bouger. Soudé comme l'amour de deux frères, les miens m'ont rendu fier. Ils ont toujours été là quand j'étais en galère. Pas comme certains, on a besoin d'un nécessaire. Quand c'est la merde, y'a plus de potes, c'est certain. Sont dédiés aux gens vrais, pas aux mecs qui parlent. Pour pas plaider coupables, balance ton adresse au star. Comment oublier tout ça, renouer un contact. Je passerai à l'acte, la vie est un combat. Jour après jour, on a besoin d'y croire. Pour pas finir KO, allongé sur un trottoir chez moi. C'est toujours la même merde, il y a tant d'être cher. Qui part trop vite, pour eux je rappe ce que j'écris. 10 pédales pour activer l'oubli. Moi je prie pour qu'on s'en sorte chaque jour. Je défie chaque tour, comme moi là c'est chaque coup. Indépendant, je reste ce que je suis. Je prends pas la grosse tête, les erreurs que j'essuie. Si je m'exprime, c'est pour mes larmes et mon sang. Ainsi que pour mes poteaux et nos coupables innocents. Faut marcher la tête haute, préserver les siens. Tu me cherches, tu peux me trouver entre deux wagons d'un train. C'est qu'à force de tomber, qu'on peut savoir se relever. Faut marcher la tête haute, mais pas le torse bombé. TOR cramé, j'ai marché, démarché. Mal, faut que je respire, pour ça que j'ai pas tiré. Faut s'en tirer, des fois je ne fais que teaser. Je marche la tête haute, pense déjà à me tirer. Mon doigt vers le ciel, en mode ambiance tendue. En période tendue, m'as-tu bien entendu? Du 9, 2 au 9, 5, c'est toujours la même chose. Faut marcher la tête haute, façon contrôle la grosse dose. Et ouais, j'ai préféré rapper. J'ai mis feu à l'instru, pour ça que je l'ai fumé. Souvent, dans un 9e monde, avec mes potons gronde, avec mes potons tombe. Avant de partir au star, je me dois de parler, dire au revoir à la famille, leur dire combien je les kiffe. À tout mon collectif, ma bande musicale. Souvent, on se barre dans toute la France pour faire péter des câbles à mon public. Mes potes et la République, on publie des articles de nous assis sur des bancs publics. Je voulais remercier mon équipe qui me suit depuis le début et avant même que je kick. Électrique, H24, Thug et Lunis, Bruno James, Cabillo, Dref, Jess et Clicky. J'encaisse toujours un classé dans les classiques. Je porte le son de ma voix et puis fais tourner ma zik. C'est clair, chaque mesure sur une caisse claire. Je vais éclairer ma vie, dire à ma go que je l'aime. Je dirai à plus à MySpace et tous mes amis, à tous mes auditeurs de Paris à Miami. En passant par ma ville Angers, ne viens pas par chez nous, il paraît qu'il y a danger. Chaque jour que Dieu fait en mode bad boy comme Miami, c'est toujours la même merde de Gonesse à Beauval. De façon ça a pas changé depuis trop d'années. La rue a tourné, toujours autant condamné.